des chemins boueux, tu es descendu à la maison, toujours jovial, un ou deux mois par an. Jour tranquille dans ton convulsif. Je t'ai vu sur la terrasse, nous avions l'habitude de longer tous les trottoirs pour laisser nos visages s'imprégner dans le tien. À Noël, tu nous préparais des plats enveloppés dans des feuilles de maïs, marinés de regards complices, que ni caviar, ni champagne inégal. Tes gestes toujours contagieux apaiser ceux d'entre nous qui t'entouraient. Ta robe ornée de glaïeul annonçait les jardins d'Éden. Quand j'avais 10 ans, je t'ai vu partir une fois. Tu te souviens? Je t'ai demandé de rester et timidement j'ai ajouté que je t'aimais. Jamais ma voix n'a été aussi sincère. Heureux, tu cachais tes affronts. De tes 18 enfants, 10 sont morts. Un évêque s'en est indigné, mais tu as survécu. Les pierres de Barichara cachent encore leur hérésie. De Guanata, sa brise chaude caresse ton front doré. Et ton regard était baigné de chagrin. Tes cheveux noirs, inviolables, ta voix refuge, mystère maternel. Tu as souffert sans jamais regretter d'être mère. Les hypocrites complotaient leur vengeance. Tandis que tu pardonnais les mauvais traitements, une puissance qui aujourd'hui n'est que l'oubli. Aucune rancœur n'éclipsera tes actes. Tu avais pitié des savants comme des étrangers. Tu as prolongé ton mariage pour tes filles, les enseignantes qui ont éduqué et engendré. Tu comprenais sans être comprise. Aujourd'hui, tu écris depuis l'au-delà. Je t'ai vu dans un palais d'ivoire et de turquoise. Je te parle encore souvent, tes clins d'œil me soulagent de la douleur ou de l'ennui. Face à la cruauté et au mépris du monde, j'apprendrai de tes rires festifs jusqu'à ce que l'on revive ce que l'on a vécu.